L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La nouvelle année nous offrira dès ses premiers jours un joli spectacle dans le ciel en début de soirée, visible par tout un chacun pourvu que la météo soit favorable. Le 2 janvier, vers 19h, regardez en direction du sud-ouest et admirez ce bel alignement avec la rougeoyante Mars en haut à gauche, le fin croissant lunaire au centre et la très brillante Vénus en bas à droite. Rapprochons-nous de ce trio. Les trois objets que vous regardez sont situés à des distances très différentes. Mars à 247,19 millions de kilomètres, la Lune à 383 138 km et Vénus à 113,13 millions de kilomètres. Les photons de Mars sont partis de sa surface il y a 13,77 minutes, ceux de la Lune il y a un peu plus d'une seconde et ceux de Vénus viennent de voyager durant 6,31 minutes. Vous ne pouvez pas la voir à l'œil nu, mais il y a une troisième planète qui se cache dans cet alignement avec la Lune. Il s'agit de Neptune, la planète la plus éloignée connue à ce jour dans notre système solaire. Vous ne la voyez pas car sa magnitude est trop élevée pour être visible à l'œil nu. Elle est de 7,93. Neptune se trouve en apparence tout près de Mars ce 2 janvier. Et l'alignement Mars-Neptune-Lune-Vénus est quasi parfait ce 2 janvier à 19h heure française. Elle se trouve exactement à 1/6 de la distance séparant Mars de la Lune. C'est avec une lunette ou un télescope que Neptune peut être observé. Dans un oculaire à très grand champ et ou à faible grossissement, Mars et Neptune peuvent même être observés en même temps. Je vous montre sur le blog ce que donnerait par exemple un grossissement de 37,5 avec un champ visuel de 2,66 degrés, ce qui équivaut à un champ visuel apparent de 100 degrés. Au fait, Neptune se trouve à 4558 millions de kilomètres de la Terre en ce moment. Les photons du Soleil qui s'y reflètent ont donc mis 4h15 pour nous parvenir depuis sa surface. Le début du mois de janvier est aussi le moment privilégié pour observer la troisième pluie d'étoiles filantes la plus intense de l'année, avec les Géminis en décembre et les Perséides en août. Il s'agit des Quadrantides, superbes pluies d'étoiles filantes visibles dans le ciel boréal, surtout entre le 2 janvier et le 5 janvier, mais vous pouvez en apercevoir dès maintenant et après, jusqu'au 10 janvier environ. La date du maximum de l'essaim est le 3 janvier. Mais profitez donc de votre sortie du 2 janvier pour essayer d'apercevoir des météores. La Lune sera beaucoup moins gênante que lors des Géminides et le taux horaire maximal des Quadrantides est presque aussi élevé, ce qui pourrait offrir une petite centaine d'étoiles filantes par heure. Et oui, quand même. Comme les Géminides, les Quadrantides sont observés seulement depuis relativement récemment, depuis 1825. L'origine de ce nuage de poussière est encore sujet à controverse, certains astronomes estimant qu'il s'agit de l'astéroïde 2003 EH1, qui a été découvert seulement en 2003, et d'autres penchent plutôt pour une comète. Quoi qu'il en soit, la vitesse moyenne de ces météores lors de leur pénétration dans l'atmosphère est de 40 km par seconde et ils se consument relativement lentement. Les étoiles filantes des Quadrantides sont ainsi connues pour produire des traînées derrière elles qui peuvent persister plusieurs secondes dans le ciel. Alors le radiant, c'est-à-dire le point d'origine apparent de l'essaim des Quadrantides, se trouve dans l'ancienne constellation du Quadrant, qui se situe entre la Grande Ourse, le Bouvier et le Dragon, en direction de l'horizon nord-est en milieu de nuit, et de l'est au petit matin. Mais comme toujours, je vous conseille cependant de scruter tout le ciel, ce qui reste le meilleur moyen d'en observer un maximum. bon ciel et surtout loin des nuages et des éclairages polluants. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur PodCloud, sur iTunes, sur Stitcher et toujours sur le blog. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, donc, oui, et les pieds sur terre. Salut !